monde, c'est DJ Kay. Retrouve-moi tous les dimanches soirs à partir de minuit pour Rai Suprême. On Skyrock.

c'est tout foireux. On sera vraiment heureux. Vous deux, c'est déjà vieux. Parfois, il faut choisir. Ne choisis pas le pire. Il pourra être plus fort. Je te prouverai qu'il a tort. Je t'ai vu, je te veux, je t'aurai. Je t'ai vu, je te veux, je t'aurai pour la vie à mes côtés. Je l'ai vu, je l'ai vu, je l'aurai. Je l'ai vu, je l'ai vu, je l'aurai pour la vie à mes côtés. PPDS, me voici, me revoilà. Rail suprême, minuit, 2h, DJ Case, t'ambiance avec tous les sons du moment. Sur Skyrock. Tous menottés, Asanas tous menottés, Attenant tous menottés, menottés, menottés. Montpellier tous menottés, à Marseille tous menottés, à Toulouse tous menottés, menottés, menottés. 2016 pour la house rap, que des flots pétés, je les arrête tous comme Kevin Trapp. Je t'en fais voir de toutes les couleurs, comme les aérois et les sapeurs. Tes techniques et précis, rivistes et classiques, ici y'a pas de faux messie. Balance ton flow, peu importe ton bagot, croise les mains et balance sur le déco. Dans le 5-9 tous menottés, dans le 6-9 tous menottés, à Strasbourg tous menottés. Menotté, menotté, à Valence tous menotté, à Clermont tous menotté, à Bordeaux tous menotté, menotté, menotté. Rail minuit, 2h sur Skyrock. Pour les biggies mais non pas les bagages, je suis blaise, moi tu dis c'est une joule devant le virage. Devant les bleus, tu deviens tout bleu, range ta beuh et trouve-toi à bon baveux. J'attends le soleil pour me barrer, tu as sommeil, t'enchaînes les TP. Balance ton flow, peu importe ton bagot, croise les mains et balance sur le déco. Dans la banlieue, tous menottés. Paris sans tous menottés. Dans le 9-3, tous menottés. Menottés, menottés. Ça fait longtemps qu'on m'attendait. De retour, je vais tout donner. Tous tes rapports ne font que copier. J'arrive les menottés. Ça fait longtemps qu'on m'attendait. De retour, je vais tout donner. Tous tes rapports ne font que copier. Rail suprême sur Skyrock. À Phuket, tous menottés. Mes Algériens tous menottés, OCI tous menottés, menottés, menottés. Les Tom-Tom tous menottés, les Antilles tous menottés, mes Africains tous menottés, menottés, menottés. Balance ton flow, peu importe ton pago, croise les mains et balance sur le déco. Balance ton flow, peu importe ton pago, croise les mains et balance sur le déco. Balance ton flow, peu importe ton pago, croise les mains et balance sur le déco. Menotté, menotté, menotté, menotté, menotté, menotté, menotté, menotté, menotté, menotté, menotté, menotté, menotté, menotté. À Paname tous menottés, à Sanas tous menottés, à Tenant tous menottés, menotté, menotté. Montpellier tous menottés, à Marseille tous menottés, à Toulouse tous menottés. Menotté, menotté, dans le 5-9 tous menotté, dans le 6-9 tous menotté, à Strasbourg tous menotté, menotté, menotté. C'est Rail Suprême le dimanche soir et c'est DJ Case au contrôle au platine. Case, bah oui. Grosse session déjà pour nuit, débuter. Bah, c'est toujours un plaisir d'être là le dimanche soir. On kiffe et on fait kiffer tous les auditeurs de la France entière et du monde entier. Et du monde entier. Et Case, vous le retrouvez aussi en soirée. N'hésitez pas à nous suivre d'ailleurs pour avoir toutes les dates parce que je sais qu'il y en a beaucoup en ce moment. Yes. Donc il faut aller suivre, il faut aller cliquer, savoir où te retrouver un peu partout. C'est ça, ouais, voilà. Donc c'est assez simple. Il suffit d'aller sur la page fan DJ Case, Facebook, Instagram, Twitter, DJ Case Paris et sur Periscope DJ Case. Ah, donc, c'est voilà, vrai que on met des petites scènes en studio. La radio d'ailleurs, peut-être qu'on va essayer de balancer des petits. Ça risque d'être dangereux. Ça risque d'être dangereux. Il y a des mecs qu'il faut avec pas trop montrer. Ici, il y a des mecs qu'il faut cacher. Il y a des infréquentables. Des infréquentables qu'il faut cacher. Bon, ok, ils sont repartis pour une nouvelle session. Ouais, on y go. Allez, c'est parti. Suprême, en direct sur Skyrock. Yeah.

shit system, bro. Aïcha, écoute-moi.

Case t'ambiance avec tous les sons du moment sur Skyrock. Oh,

Johnny Cole. Salut, c'est DJ Kay, on se retrouve tous dimanche soir à minuit pour Rail Suprême. Y'a bien, bien Johnny Cole. Quadet. Ou bien Johnny Cole. Bien Johnny Cole. Ou bien Johnny Cole. Quadet. Memma wodi pe bi embu abonfia ahopo promo yenye na buhuntia oya wotam fo ja no manimbia yambu amu amunsi na bumpia sa bupe mo anyo menina edi nana nya meni awakano na bebe mo sa uma usa swabi ponyi na tutu so my body don't lose guard kan wa ko ma doya everybody sing it, hallelujah yeah. Hallelujah, everybody sing it, hallelujah. Hallelujah, let me sing, oh yeah. Oh yeah, I say let me sing, oh yeah. Oh yeah, Sky Rock, Rail Suprême. La bouteille est payée, j'suis à Miami. Ce soir ça va tailler. Rentre dans la piste, et ce soir t'es ma sister. Y'a de la weed, y'a du ketchup. On va se mettre bien sur un yota. Je vais claquer tout ma paye, tout mon bénef. Oh oui, au pays des ténèbres. Foncez dans le bar avec Ali, je l'emmène. Au pays des merdes, des omnidas au bilan de la veille. Pose pas trop de questions, oui, suis-moi ma belle. Oui, y'a du champagne, du whisky, de la vodka. De quoi te donner la migraine. Toutes les nuits, c'est la même. La mélodie du chétan s'amène. La go est tellement nouveau. Je suis à deux doigts du crime passionnel. Toutes les nuits, c'est la même. Ça mène, la go est tellement ne bouge, je suis à deux doigts du crime passionné. Qu'on est serré, oui, qu'on est serré. Qu'on est serré toute la nuit, ça va qu'on est serré. La petite, la petite. Qu'on est serré, oui, qu'on est serré. On Skyrock. On est dans la deux bois, toute la nuit, ça va qu'on est serré. Je suis un peu méchégué, dans le carré délibé. Je suis un peu méchégué, dans le carré délibé. Donc, prends le ticket, prends le ticket, prends le ticket, prends le ticket.